Nous sommes le 12 mai 2006, sûrement. Après avoir longuement cherché et mis ma chambre sans dessus-dessous pour trouver un stylo adapté, je me jette finalement sur un stylo noir qui reposait dans ma trousse, pour ne pas dire bic. Stylo qui finalement me fait chier, car je dois repasser. Après avoir emmené les oignons de chez Rachid et rencontré au passage encore mes voisins, je me suis jetée sur le cahier et j'ai tout dévoré d'une traite. Des jours d'écriture pour quelques minutes de lecture. Alors commençons par le commencement. Des fois, j'ai l'impression de tenir une correspondance, tant qu'avec toi qu'avec moi-même. Bref, oui. Je vais raconter ma journée, ma semaine, pour commencer. Aujourd'hui, on a mangé des glaces devant le collège. Et puis, il y avait un groupe de trois gars à côté. Il y en a un qui appelle Lola, en sachant qu'il y avait Zélie, qui s'est cassé la gueule de la barrière, Rachel, Cassandra, Joe, Nina, et leur copine, et Merlinou. Pour demander comment s'appelait la fille en rouge. La fille en rouge, c'est Wam! Lola est revenue. Je lui ai dit de leur dire que je me nommais Véronique. Et ils lui ont demandé si j'étais célib. Joe et Nina y sont allés et ont dit « Ben, c'est-à-dire que elle est pas tout à fait hétéro. Lesbienne, quoi. » Goudou, goudou, goudou, goudou. Ils ont répliqué un « Oh, dégoûté. » Genre « Oh, dommage. » Et pas « Oh, lesbienne, berk. » Finalement, on s'est tapé des grosses barres. Mais on s'en fout. C'était Véronique. Julie aime Julia, Sophie aime Sophia, Laurent aime Vincent et des fois il aime Laura. Tout ça c'est de l'amour qu'on sait l'avoue ou pas. Tout ça c'est de l'amour qu'on sait l'avoue ou pas. Sinon j'ai pas arrêté de faire des mini-teufs à la maison avec ma mère, la copine de ma mère ou ma sœur. C'était trop bien. Je me suis inscrite à un concours de saut. Ça va être chaud. Surtout que je l'ai loupé mercredi pour la répète de théâtre. Trop stylé la répète. Ça partait un peu en couille à la fin. Luc me tenait le bras et remontait ma bretelle de soutif. Christopher m'adressait ses répliques alors qu'il parlait à Carmen, Johanna. Et lorsque moi je parlais, Paul B. m'enfonçait son épée dans le ventre. Et personne ne connaissait son texte. Gros bordel. C'est toi? C'est moi. On m'avait averti que tu n'étais pas loin, que tu devais venir. On m'avait même dit de craindre pour ma vie. Mais je suis brave et je n'ai pas voulu fuir. Je ne menace pas, j'implore, je supplie. Notre passé, je l'oublie. Carmen, nous allons tous deux commencer une autre vie, loin d'ici, sous d'autres cieux. Tu demandes l'impossible. Carmen n'a jamais menti. Son âme reste inflexible, entre elle et toi, tout est fini. Carmen, il est temps encore. Oh ma Carmen, laisse-moi te sauver, toi que j'adore, et me sauver avec toi. Non, je sais bien que c'est l'heure, je sais bien que tu me tueras, mais que je vive ou que je meure, non, je ne te céderai pas. Tu ne m'aimes donc plus? Non, je ne t'aime plus. Mais moi, Carmen, je t'aime encore. Carmen, Carmen, moi je t'adore. Jamais Carmen ne cédera. Libre elle est née, et libre elle mourra. Où vas-tu? Laisse-moi. Sur mon âme, Carmen, tu ne passeras pas. Carmen, c'est moi que tu suivras. Je m'entends bien avec Paul B, malgré les apparences. Il me tape et me traumatise, et moi, je me venge en étant gênante. Et en lui balançant de l'eau à la face. Même avec Paul, elle, mes relations s'améliorent. C'est youpi! J'adore voir naître un sourire sur le visage du gêneur, soit Paul B. Car je ne sais jamais, au début, s'il est en colère, pour de vrai. C'est un mélange des deux. J'adore. « Et hier, le 11 mai, petit épisode trépidant de ma vie. Je vois Luc juste devant moi, dans les escaliers. Les portes battantes me font un déclic. Je me mets à la hauteur de ma victime et lui fonce dedans pour qu'il se cogne aux portes. Je suis morte de rire. Faut dire qu'il m'en faut peu. J'entends dans le couloir de l'autre côté. Mademoiselle Bouly ? Merde. Monsieur D. Je vais le voir toute rouge. Vous êtes un peu violente. Oh mais non, c'est affectif de ma part. Il le sait. Eh bien, il ne vaut mieux pas être votre ami. Un sourire, c'est gagné. Il s'en va, pas d'observation. Après, je me suis posé des questions du style « Il connaît les noms de famille de tout le bahut ? Pourquoi ne m'a-t-il pas sanctionné ? Parce qu'il a vu qu'on était déjanté à la sortie ? Ou encore, je suis trop conne ?»